souffle rauque traverse les plaines. Chaque note d'harmonique pleure ses chaînes. Rider ski, l'avance, chapeau baissé. Dans la poussière où l'histoire s'est figée. Le bois craque sous ses palans. L'air pèse lourd comme un serment. Un vieil harmonica. Chaque souffle hurle un écho. Rider's Kill chante rauque et vrai. L'harmonica pleure après. Through the dust, through the pain. Shadows grow. Les murs du stove résonnent encore. Chaque rayon devient décor. Le vent siffle, harmonica gémit comme un psaume dans la nuit. Chaque souffle gras écrit l'histoire. Chaque note tremble de mémoire. Un vieux blues coule dans l'air sec. Un cri profond, brut et rêche. Il marche seul. L'harmonica part. Chaque note pèse comme une dalle. Rider Skill grève son nom dans l'air. Une complainte brute, légendaire. Le désert pleure, le bois soupire. Chaque note brûle comme un martyr. La voix rauque et le souffle uni chantent ensemble l'infini. Through the dust, through the pain. Shadows grow. Chaque rayon se fait sanctuaire. Chaque souffle une prière. Rider's Kill chante au crépuscule. Et l'harmonica roulant. Tout s'apaise, l'air s'emplit d'une longue braise. Sa voix rêque, son souffle ancien font trembler encore shadows grow.